pluie qui tombe, elle écoute mouiller les petites larmes pour barbouiller les joues de ton visage, pour dévoiler les mensonges cachés. Mais dis-moi, dis-moi pourquoi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi pourquoi il pleut tout le temps comme ça. Mais dis-moi, dis-moi pourquoi, dis-moi, dis-moi, oh, dis-moi, dis-moi pourquoi il pleut tout le temps comme ça. Et ma belle, mais moi j'ai pas envie, il fait froid et le ciel est plein de nuages. Ici c'est pas une saison, c'est toute l'année, tout le monde attend la venue du beau temps. Ici pas de passe-temps et la pluie ça lasse, et le temps passe et moi j'ai pas le temps. Et je suis pas partante et je prends pas de place. Je t'aimerais même si tu te fâches. Mais dis-moi, dis-moi pourquoi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi pourquoi il pleut tout le temps comme ça. Mais dis-moi, dis-moi pourquoi, dis-moi, dis-moi, ouh, dis-moi, dis-moi pourquoi il pleut tout le temps comme ça. Il pleut tout le temps.